Alors pareil, il y avait vigneron, Zico, là, comme on l'appelait, le vernisseur, qui habitait sur la route d'un château. Alors il vernissait pour beaucoup de monde, presque tout Mirecourt, tous les ateliers, il vernissait pour Dieudonné, pour Némorizo, il vernissait pour même le 15 grammes. Mais le 15 grammes, il n'y amenait pas ses instruments, parce que le 15 grammes faisait son vernis, il fallait que le vigneron aille chez lui vernir. Ah bon? Parce qu'il ne voulait pas qu'il bricole dans son vernis.